Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue mon cher Tom. Salut. Sur le Roquefort Show à bord de Radio Biz. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça fait longtemps que je t'avais pas vu. Ça fait déjà un mois. Voilà. C'était le mois dernier, l'émission mensuelle. Voilà. Puis on est désolé pour nos auditeurs de leur avoir donné des rediffusions, mais bon, il y en avait une qui était, il fallait qu'on la fasse, c'était le Rhymefest, puisque depuis ce temps-là, bon, on a été au Rhymefest, c'était un très très bon cru. Ils ont fait le plein et puis il y aura une 21e... Gasoil, essence... Tout, musique surtout, musique. Saucisses, bière. Ah oui, il y a Volt, les saucisses, les pierres, Flammkuch, non, mais il y avait des nouvelles pâtisseries de ces Belges, c'est un Belge qui était là, c'est un espèce de rouleau comme ça, de pâte à crêpes, mais dans un rouleau, et tu manges comme ça, c'était très bon à la noix de coco, aux amandes, tout ça, c'était délicieux. Voilà, enfin, on va pas vous raconter notre vie. En tout cas, le Rhymefest, c'était très très bien. On vous a mis des vidéos sur la page de Facebook du Roquefort Show. Donc, vous avez une vidéo minimum par groupe, plus 6 affinités. Enfin, voilà. On a été un peu déçus par Eclipse. Voilà, c'était le groupe que j'attendais le plus. Et par contre, la grosse claque dans notre tronche, ça a été Jared James Nichols, qui a été vraiment la révélation du festival pour tout le monde, quoi. Voilà. C'est bien, ça. Et déçu aussi par Sons of Apollo. C'était froid, c'était très technique, mais bon, sans intérêt. Voilà, allez, le Rhymefest, c'est fini. Maintenant, il y a le Rising Fest. On va vous en parler un petit peu dans cette émission. Et puis, il y aura aussi le 15 bientôt. Donc, il y aura le Dark Breath Festival. Donc, on vous en parlera aussi un petit peu. Voilà. Pour l'instant. Eh bien, pour commencer cette émission qui sera une 100% nouveauté avec un large extrait du Rising Fest, eh bien, on va vous présenter ce que l'on a diffusé en ouverture d'émission et qui a fortement plu à mon cher ami Tom. Grave Digger. Yes, le gardien de la crypte, Grave Digger. Le Fossoyeur avec Zombie Dance. Non, c'était pas un style Zombie Dance. Hein. Non. Alors si les zombies sont comme ça, moi j'adore. Hein. Franchement, ça, c'est génial. Et l'album s'appelle The Living Dead, sorti chez Napalm Records le 14 septembre dernier. Voilà, l'album contient 11 titres plus un titre bonus. Je te laisse finir, mon cher Tom. C'est un quintet de Heavy Speed, formé en 1981, ils viennent d'Allemagne. Ils seront en concert au Petit Bain le 28 janvier prochain, 2019 déjà. Voilà, on vous annonce déjà des concerts pour 2019, c'est beau. Bah oui, on prend de l'avance. C'est loin, c'est beau. Puis au moins, comme ça, quand vous réécouterez ces émissions en rediffusion, vous aurez des dates où vous pourrez encore aller. Hein, c'est pas bête, ça? Qu'est-ce que t'en penses? Non, c'est très bien. Hein, très, Patomé, très bien. C'est ce que vous entendez en fond sonore. Notre ami Patomé qui nous revient. Ça reste, tu vois, on restait dans le celtique un petit peu avec la danse de Grave Digger. Là, on va plutôt dans quelque chose d'un peu plus celtique. Notre ami Patomé qui sera en concert donc ce vendredi au Zèbre de Belleville. Oui, voilà. Le Zèbre de Belleville. Donc tu me demandais tout à l'heure de savoir où c'est le Zèbre de Belleville. Bah, c'est à Belleville, Paris, au 63 boulevard de Belleville, métro Belleville et celui qui est juste après quand tu vas vers Nation. Très bien, merci. Je sais plus l'arrêt, mais voilà. Ça doit être métro Belleville de toute façon. Oui, mais t'as l'autre arrêt aussi, enfin, ça met distance entre les deux. Ouais, Couronne. Voilà, hein, c'est ça. C'est ça, Couronne. Merci. Voilà, tu demandes, hein, quand tu sais pas, tu demandes. Patomé qui viendra présenter son album live. Vous vous rappelez, il y a 2 ans maintenant, on avait été à près de Saint-Brieuc. C'est déjà il y a 2 ans. Il me semble. C'était pas l'année dernière. C'était après le... Ah bon, alors l'année dernière. 2017. C'était après, mais... Ouais, c'est ça, 2017. Donc on avait été fêter les 23 ans de carrière de Patomé avec plein d'invités, dont Ron Tal, Bumblefoot, Patrick Ronda, enfin plein de monde qui était là. Et voilà, donc l'album sort maintenant. Hein, et ce que vous entendez, c'est un titre issu de l'album de 2014. Sorti chez Selkilt Music et le morceau s'appelle No Religion. Excellent titre d'ailleurs. Et bien maintenant on va vous parler des nouveautés qu'on a reçues récemment, puisqu'il s'agit du premier extrait de l'album de Within Temptation. L'album s'appelle Resist et le morceau que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle The Reckoning, avec le chanteur de Papa Roach qui est en featuring. L'album sortira seulement le 14 décembre prochain chez Spine Farm Records. Il contiendra normalement 10 titres. Hein. C'est un septet de métal symphonique avec une chanteuse, hein, la charmante Sharon Den Adel. Le groupe s'est formé en 1996. Ils nous viennent des Pays-Bas et ils seront en concert, mon cher Tom. Oui, au Petit Bain. Non, qu'est-ce que je dis ? Non, au Zénith. Au Zénith. Ouais, parce que Petit Bain, ça fait un peu petit pour eux. Hein. Petit Bain, ils seront en concert au Zénith, à côté de la grande piscine, du coup, le 11 octobre. Non, le 16. Le 16 octobre, oui, excuse-moi. Le 16 novembre. C'est un 11. Mais pourquoi je me trompe alors ? Il veut avoir fini l'année avant tout le monde. Il veut déjà ouvrir ses cadeaux de Noël, ce sacripant. Il sera en concert le 16 novembre, donc voilà. Dans un mois et demi. On a des places à filer ou pas ? Je pense qu'on aura des places, hein, mais on va attendre un petit peu la prochaine émission. Hein, résistez un petit peu. Ouais. Il y aura une prochaine émission, donc restez bien à l'écoute de la prochaine émission. Nous enchaînons ensuite avec Brainstorm, les Allemands de Brainstorm, avec le charmant Andy Beffrank au chant, le charismatique Andy Beffrank au chant, et qui nous dit que cet album-là, Midnight Ghost, est certainement, à son avis et pour lui, le meilleur album de Brainstorm. À mon avis également, il est très très très bon. Le titre que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle Devil's Eye, l'œil du démon. C'est sorti chez AFM récemment, puisque c'était le 28 septembre dernier. C'est le 12e album du groupe, c'est ça, mon cher Tom ? Oui, avec 10 titres, c'est un quintet de power melodique formé en 1989. Ils nous viennent de Stuttgart, en Allemagne. Et eux aussi seront en concert en 2019. Et eux, ils seront bien au Petit Bain. Exactement. Ce sera le 20 janvier 2019, comme tu l'as dit. Voilà, donc là, on aura aussi peut-être des places. Bon, ce ne sera pas pour tout de suite, parce que le 20 janvier, c'est quand même un peu loin. Nous enchaînerons ensuite faudra avec en profiter le... si on a des places pour le 20 janvier. Ouais. En tout cas, ce sera le... je pense qu'il y aura peut-être même quelque chose, une petite surprise avec Brainstorm. Je ne peux pas tout vous dire pour l'instant. Nous enchaînerons ensuite avec le nouvel album Live. Cette fois-ci, de Steel Squirrel, qui est d'abord sorti et uniquement sorti en vinyle, mais pour les petits vénards et pour tous ceux qui n'ont pas de platine vinyle, le CD accompagne le vinyle et il y a deux titres en plus. Sur le CD, sur le vinyle. C'est bien qu'on est limité par le temps à cause de la gravure, donc il y a deux titres en plus sur le CD, ce qui vous permet d'avoir quand même un petit cadeau supplémentaire. Voilà, un magnifique son hein, sur cet album qui a été enregistré en 2008. C'était au Cambrousse Rock Festival, c'était à Pierrelaye. Et donc un magnifique album live. Ils ressortent 10 ans après. Oui. Le groupe existe toujours et surtout, ils seront à Vouziers. Ah oui. Hein, donc ça permet en fait de faire de la promo également pour les voir et aller les voir à Vouziers et avoir quelque chose de nouveau à acheter à Vouziers. Puisque, comme vous le savez, l'album est surtout en vente chez le groupe. Le titre que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle Les Cibles, donc en live, bien entendu. L'album s'appelle Live 2008-2018. C'est une autoproduction. Il sort au mois d'octobre, donc incessamment sous peu. Mais vous pouvez déjà le commander auprès du groupe, donc vinyle plus CD. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ? C'est un quintet de hard rock formé en 1983. Formé en 1981, ils sont originaires de Paris et ils seront donc en concert le 1er décembre avec pléthore de groupes puisqu'il y aura Killers, il y aura ADX, il y aura Vulcain, il y aura Demon, il y aura, qui c'est qu'il y a d'autres, Blasphème, Attentat Rock, Venin, j'en oublie Steel Squirrel bien évidemment, je dois en oublier peut-être, mais on vous rappellera puisqu'on fera une émission spéciale Vouziers courant novembre hein, puisque le festival aura lieu le 1er décembre. Et bien on vous laisse en musique, on vous donne le numéro de téléphone 06 81 01 28 34. Ça c'est pour envoyer vos petits SMS et puis essayer de tenter de gagner des places. Voilà. Allez, c'est parti, musique. Thousand times. De retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show sur Radio Biz et on va en profiter pour dire bonjour à Eric. Salut Eric. Et puis on dit bonjour également à notre cher ami Sydney. Salut Sydney. Dont c'était l'anniversaire il y a quelques temps quand même. Bon anniversaire Sydney en retard. Non, mais... ceux qui vous avez entendu, vous avez eu le droit d'écouter Within Temptation, Brainstorm, et on vient de finir avec nos Français adorés de Steel Square. Ce que vous entendez en fond sonore, c'est également les Français puisqu'il s'agit d'ADX. Pourquoi on vous parle d'ADX ? Bah, tout simplement parce que le groupe remonte sur scène, ça y est, ils ont fait leur premier concert dimanche dernier, là. C'était dans l'Oise, à Bay. Et c'était vraiment très bien avec Deadline, c'était bien sympathique, un bon petit festival, en plus il faisait beau, c'était en plein air, c'était top. ADX, donc tiré de l'album Non Serviam, sorti chez Ultime Record en 2016. Voilà, et ils seront en concert donc la semaine prochaine. Ce sera le 14 octobre prochain à Bourg-en-Bresse dans l'Ain. Ce sera le Dark Breath Festival numéro 1. Vous pourrez retrouver, donc c'est les 13 et 14, mais ADX jouera le 14. Et le 13, on pourra retrouver Carcaria, No Return et tout un tas d'autres groupes. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Eh bien le 14, le jour où il y aura ADX, il y aura également Varsovie, ADX, In Arcadia. On pourra retrouver également, qu'est-ce qu'il y en a d'autres comme groupe, mon cher Tom, sur ta petite liste que tu dois avoir sous les yeux, il y a Love in Prague. Qu'est-ce qu'on a d'autre Non, c'est tout. Tu m'aides pas plus là-dessus. Bon, non, bah, okay, non, j'ai peut-être pas plus parce que In Arcadia, ça te parle un petit peu. Oui, je viens de le dire. Sacral Night. Voilà. Et Varsovie, Love in Prague. Mais j'aime bien Love in Prague et Varsovie, ça fait un peu. Tout à fait. Ils s'appellent l'un à l'autre, quoi. Donc ce sera à Bourg-en-Bresse. Ce sera donc le premier festival. Vous pouvez aller sur le site du Dark Breath Fest et aller rechercher votre place. Mais vous pouvez également gagner une place au 06 81 01 28 34. Maintenant, tout de suite, sans plus attendre, envoyez un SMS. Par contre, attention, si vous recherchez sur le net, Breath, c'est B-R-E-A-T-H. Oui, comme le souffle. Et nombreuses comme David de Bourg-en-Bresse. Tout à fait. Alix sera également en concert, donc comme on vous l'a dit tout à l'heure, au Metal Vousier Festival donc 2018. Et ils ne seront pas tout seuls, ils seront avec Demon, Vulcain, Blasphème, Killers, Titan, Attentat Rock, Demonize, Steel Square et Venin. Voilà. Mais sachez que le concert est déjà complet. Alors si vous voulez des places, eh ben, faut peut-être aller sur des plateformes où des gens qui ne peuvent pas y aller au dernier moment pourront peut-être vous céder leur place. Quoi. En tout cas, le concert est complet et c'est tant mieux. On va continuer dans les nouveautés avec des revenants. Le groupe s'appelle Air Apparent, qui vient de nous sortir son nouvel album qui s'appelle The Few From Below. Le titre que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle Savior. Ça sort chez No Remorse Record le 15 octobre prochain. L'album fait 8 titres. Le groupe est dans la veine heavy prog. Ils se sont formés en 1984. Ils viennent des États-Unis, de Seattle. Comme quoi, à Seattle, on ne faisait pas que du grunge, mon cher Tom. Oui. On enchaîne avec War Kings. Je te laisse dire. Gladiator, extrait de leur album Reborn, sorti chez Napalm Records le 16 octobre. Novembre. Pourquoi j'ai 11 octobre ? Non. Ce qui sortira le 16 novembre prochain, c'est un quartet ambassadeur de Odin. Ouais, tu sais, le dieu là, d'Asgard. Ouais, d'accord. Ah, tu connais Odin ? Non. Avec Thor, tu connais Thor ? Bah, oui, t'as tort de pas connaître Odin alors. Qui viennent sur Terre pour nous contenter des histoires et batailles des Asgardiens. Voilà, donc c'est un groupe Halloween, encore. Gamaret et Manowar. Voilà, Halloween, c'est un j'aime groupe... bien Gamaret, Samandor, Manowar, je ne sais pas. Ouais, c'est des guerriers. Oh. Bah, disons que c'est des gens qui ont l'air assez barrés parce qu'ils sont maquillés, ils sont grimés, tout ça. Leur nom, c'est pas les noms de membres de groupe, c'est des Asgardiens. Donc bon, ouais, je pense qu'il y a c'est un concept album. Et bon, on n'a qu'un seul titre. Hein. Pour l'instant, on n'a que Gladiator, donc on va vous laisser découvrir. On est dans la veine Manowar, très kitschissime, un petit peu de l'ordi pour les maquillages et tout. Bon, enfin bref, faites-vous votre idée. On enchaînera avec MCC qui veut dire Mania Cartel Carta. Non, Magna Carta Cartel. Ouais, si j'inverse, hein, c'est Magna Carta Cartel. L'album s'appelle The Sun and the Rain. Le titre que je vous propose, c'est le titre éponyme à découvrir. C'est leur dernier clip aussi, également, hein, que vous pourrez retrouver sur toutes les plateformes. Ça sort chez Lovely Record. C'est sorti le 21 septembre dernier. Voilà, c'est un single de deux titres pour ce titre-là. Le groupe s'est formé en 2006. Et ils font beaucoup de comment ça s'appelle, de musique de film, de bande-annonce, de choses comme ça. C'est un quintet donc de prog. Et ils seront en concert ce vendredi, c'est ça ? C'est vendredi le 5. Et ils seront à la salle Les Étoiles à Paris. C'est une belle petite salle. Mmh, c'est sympathique, donc allez les découvrir pour là-bas. Les Parisiens qui nous écouteraient. Le groupe s'appelle donc Magna Carta Cartel. Voilà. On enchaînera ensuite avec... Rien. On va enchaîner tout de suite avec ta musique, bien voilà. sûr. Voilà. 06 81 01 28 34, si vous voulez donc rafler des places pour aller voir qui, déjà, on a dit tout à l'heure. C'était pour aller voir ADX, bien sûr. Hein. Allez, parti, musique. Man on the machine sharing thoughts, mine. Gladiator. I am Gladiator. I am Gladiator, King of the burning sand. I am Gladiator. Are you on the take? I am Gladiator. Si vous ne l'avez pas compris, il faut vous réveiller, hein. Allez, on se réveille. Vous venez d'écouter Air Apparent, suivi de War Kings, et nous avons enchaîné avec Mania Cartel. Oui, c'est ça, Mania Carta Cartel. Oh putain, voilà. C'est dur à dire. MCC, c'est MCC. On vous rappelle, ils sont en concert le 5 à Paris. Aux étoiles, les étoiles. Donc, ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle The Jones. C'est un groupe de rock, pop, vachement sympa. Oh, c'est cool. Le morceau s'appelle True Love. C'est tiré de l'album Silver Faces qui sort en octobre, là. Novembre. Le 10 novembre, tiens, t'as vu, j'ai fait la même faute que toi. Tu vois, hein, mais je crois que. Mais hein, moi, je suis toujours perturbé entre 10 et 11 à savoir quel mois c'est. Voilà, bon, en tout cas, il n'y a qu'un chiffre qui dépasse. Hein. L'album sort donc, comme je vous l'ai dit, en novembre et il contient 13 titres. C'est un quintet de rock'n'roll et eux aussi seront en concert le 4, c'est-à-dire demain à Paris, à la Dame de Canton. Donc, ça, c'est sur une péniche, hein, c'est sur l'eau. Voilà. Nous allons enchaîner encore avec des nouveautés. Cette fois-ci, nous allons partir un petit peu, voyager un petit peu, hein, mon cher Tom, avec un groupe qui s'appelle Malakoda. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu quelque chose ou pas ? Oui, c'est du gothique. Quartet de Metal Gothic qui nous ont sorti un album. Du moins, ils vont nous sortir un album parce qu'il est prêt à sortir le 26 octobre 2018. Qui s'intitulera Restless Dreams, avec le titre Dominance qu'on va vous écouter. Ce groupe... Enfin, on va pas vous écouter, mais on va vous le faire écouter. Oui, voilà. Ouais, vous parce que moi, j'écoute pas les auditeurs. Je parle bien le français, parce que je ne veux pas dire en France, parce que le français pour les Canadiens. D'ailleurs, ils sont formés en 2014, ils nous viennent du Canada, de Wackville. Excusez-moi. Et que veut dire Canadian Horror Band? Bah, c'est un Canadien, c'est un groupe qui vient du Canada et qui fait de l'horreur picture show, tu sais, un petit peu de la musique un petit peu horrifique, on va dire, dans les thèmes. Hein, ok, utilisent. D'où, voilà. D'où la notation juste en dessous pour les fans de Kaamelott. Ouais. Catatonia. Ouais. Typo négatif. Yeah. Dimmu Borgir. Yeah. Paradise Lost. Ouais, ils seront en concert donc chez vous là-bas au Canada, dans l'Ontario et au Québec. Voilà. À partir du 20 octobre jusqu'au 10 novembre. Voilà. Donc allez voir les dates, hein, c'est sur le site de Malakoda. Voilà, en tout cas, moi j'ai bien aimé, c'était assez sympa. Bon, c'est encore un peu tiré par les cheveux, hein, ces histoires, mais bon, c'est pas mal, Malakoda. Nous enchaînons ensuite avec un groupe que vous a diffusé dans la dernière émission. Le groupe s'appelle Trashback. On avait envie de leur faire un petit clin d'œil à nouveau avec le titre The Beginning of the End, enchaîné à Weapons of Mass Destruction, tiré de leur album Sinister Force. C'est une autoproduction qui est sortie en août dernier. L'album contient 11 titres. C'est un trio de thrash metal formé en 2012 sur les cendres de leur ancien groupe qui s'appelait Evil One. Ils nous viennent de Paris, en France. Ah, c'est dingue ça. Nous allons faire un petit tour en Algérie maintenant. Oui, avec le groupe Lelahel. Lelahel. Qui nous ont sorti un album en juin dernier. Oui. Alif. On vous fera découvrir Inis Fatus. Exactement. 10 titres dans cet album. C'est un trio de death metal formé en 2010 en Algérie, à Alger, comme nous l'a dit Phil. Voilà, et eh bien je crois qu'on peut envoyer la zizik, mon cher Tom. C'est parti, à tout à l'heure. Your

De retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show. Et on a sorti la platine vinyle. Et ouais, c'est un vieux titre hein, que vous entendez, puisque le groupe s'appelle Grim Reaper. On en reparle après. Pour l'instant, vous avez pu écouter Malakoda, suivi de Trashback, et on a terminé avec Layla Hell. Donc on revient à Grim Reaper que vous entendez en fond sonore, le groupe qui sera tête d'affiche au British Steel Saturday Night Fever, j'allais dire non, Seven, qui aura lieu donc à Fim comme tous les ans. Et vous pourrez retrouver toute la crème de la New Wave of British Heavy Metal reformée ou remis au goût du jour pour ce festival. Vous pourrez y découvrir ou redécouvrir Tyson Dog, Chariot, Gang. Gang, c'est un groupe français, bien sûr. Hein. Oui, oui, je vous le dis. Hein. Grim Reaper, bien entendu. Vous pourrez y voir également Desolation Angels. Et puis, si tu as d'autres noms, mon cher Tom, eh bien, Chariot. Ça y est, je l'ai dit, ça. Tyson Dog. Je l'ai dit. Angels, Dealers, Neverworld, Neverworld plutôt. The Filth Hounds. Esclavitude, voilà. Et puis Gang, voilà. Voilà, très bien. Donc Grim Reaper, la tête d'affiche de ce festival. Ce que vous entendez, c'est un titre tiré de l'album Rock You To Hell, et c'est le titre Rock You To Hell, troisième album du groupe qui était sorti en 1987 chez RCA. Ils nous viennent du Royaume-Uni et de Worcester exactement. Voilà, et donc ils seront le 6. Le 6 octobre, donc c'est quoi, c'est samedi, c'est ce week-end, hein, c'est ce week-end, c'est samedi. Voilà. Et si vous voulez rafler des places, 06 81 01 28 34. Voilà, c'est à Fim, hein, dans le 51, dans la Marne. Nous allons enchaîner avec. C'est la même salle que la convention. Oui, la salle des fêtes de la convention, c'est exactement le même endroit. Nous allons enchaîner avec des nouveautés à nouveau, hein, avec le groupe qui s'appelle, un groupe français qui s'appelle Archange. Archange tiré d'un single, puisque l'album n'est pas encore il n'est pas encore fini, il est en préparation, ce sera leur deuxième album. Et ce single, par contre, sort chez Do It depuis le 3, donc depuis aujourd'hui, hein, depuis le 3 octobre, aujourd'hui. C'est un single qui s'appelle Back in Time. Et vous pouvez voir aussi un clip, je crois, sur Internet. C'est du Rock FM, c'est pas mal foutu, et ils nous viennent de Grenoble. Nous enchaînons ensuite avec eux, enfin avec Vem. Oui, Vem, ou eux, comme vous voulez. Ouais. Hein, l'album s'appelle Manor of Seven Gables. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle The Secret Stairs. Donc, c'est quoi ces stairs? C'est les escaliers. Upstairs, downstairs. Ouais, donc ça doit être les escaliers secrets ou le secret de l'escalier. En même temps, quand tu vois le titre de l'album qui s'appelle Manor of the Seven Gables. Ouais, c'est voilà, tout, ça doit être encore un concept, on va vous en parler. Ça sort chez SPV le 26 octobre prochain. L'album fait 12 titres. C'est un sextet de heavy metal formé en je ne sais pas, mais ils nous viennent des États-Unis. Hein, c'est quand même pas mal. Donc, c'est bien l'année, je ne sais pas, j'aime bien. Bah, l'année, je ne sais pas, ouais, parce que j'ai pas tout trouvé là, sur ce groupe. Ça a été assez compliqué de trouver des informations sur Vem. Je crois qu'ils en sont à leur deuxième ou troisième album. Voilà, en tout cas, c'est sympa. C'est un concept album. Ce soir, on vous passe ce titre-là, mais franchement, l'histoire elle est assez sympa. Histoire de maison hantée, tout ça, c'est sympa. Et on finira avec du trash, Gamma Bomb qui nous sort son nouvel album chez AFM Records le 12 octobre prochain. Ça s'appelle Spilled Between the Lines. Donc le rapide, ouais, c'est ça, c'est rapide entre les lignes. Et le morceau s'appelle A Hanging. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? L'album contient 12 titres. C'est un quintet de speed thrash metal formé en 2002. Et ils nous viennent d'Irlande. Ah, on n'avait pas encore visité l'Irlande aujourd'hui. Et ils nous viennent d'Irlande de Dublin. Bah tiens, je vais le dédicacer. Allez, à Sandrine, ma collègue. Parce que j'ai envie, comme ça. Hein. Et puis à Thierry, qui faisait Coton-Tige. Parce que je sais qu'il adore Dublin. Et les Dubliners, qui est un groupe qui m'a fait découvrir. Donc voilà, je leur dédicace. Et puis je te le dédicace à toi aussi, mon cher Tom. Ah, c'est gentil. Parce que tu devrais aimer, à mon avis. Allez, musique, c'est parti. 06 81 01 28 34. Ah. time so long, so far away from home. You are on my mind, everyone I love. And it's been so long since I've been away. I take the path to home, through the winds and rain, and across the plains, all this night to wait. retour dans les studios. Vous êtes toujours à l'écoute du Rock Floor Show avec Phil et Tom. Nous saluons bien entendu notre ami Eric. On en profite aussi pour saluer tous ceux qui nous écoutent habituellement. Si, juste une chose, tiens Phil, parce qu'on va diffuser. On est diffusé où maintenant du coup? Ah ben on est sur Radio Biz et sur Heavy Nation, Metal Invasion. Metal Invasion, c'est voilà. Ça, le lundi soir. C'est ça que je voulais savoir. Ouais, si non, non, on y est toujours. Si, y est toujours si des fois il y avait des gens en plus ou du non. coup il y a des gens en non, moins. Non, quoi. Non, non, non. C'est plutôt en moins qu'en plus. Metal Bourrin n'a pas repris ses émissions, donc voilà, tant pis pour eux, ils ne peuvent pas nous diffuser. Nous venons d'écouter donc Archange, nous avons poursuivi avec Zem. Et nous avons poursuivi de magnifique manière avec Gamma Bomb. Vraiment excellent ce Gamma Bomb, je vous le recommande tout au long de ces 12 titres qui sont des titres de tueurs. Ce que vous entendez en fond sonore, mon cher Tom. Lordi, not... Non, Lordi. Ça, on l'a, si on ne l'a pas fait une fois, on l'a fait mille fois. Hein. Oui, Lordi, oui, Lordi qui reviennent à Paris, qui seront en concert, mon cher Tom, très bientôt. Oui, très bientôt, parce que c'est le 17 octobre au Petit Bain à Paris. Il y a des concerts au Petit Bain, une grande piscine. Hein, ouais, mais c'est vrai que l'année dernière, il y avait eu des inondations, il y a eu la neige, il y a eu plein de choses hein, au Petit Bain. Mais bon, voilà, alors on est top. La neige au Petit Bain, peut-être pas quand même. Ça devrait aller. Si, si, si, je crois qu'il y avait de la neige. Qu'il y avait... Je sais plus ce qu'il y avait bah, eu. L'eau avait débordé. La Seine avait débordé. Ah, c'était la Seine donc, qui coup, avait débordé. Le Petit Bain était inaccessible, comme le bateau phare et tout ce qu'il y a autour. Tout ce qu'il y a autour de la Seine. Lordi, donc, c'est tiré de leur album Sexorcisme, sorti chez AFM Records le 25 mai dernier. C'est du hard rock, bien entendu, maquillé, grimé, enfin tout ce que vous voulez. Hein, un grand guignol. Ils se sont formés en 1996, ils nous viennent de Finlande et ils avaient gagné l'Eurovision, hein, ils nous viennent d'Helsinki. Et qui Lordi, ils avaient gagné l'Eurovision. Ouais. Eh ouais, face à Michel Drucker qui était outré. Hein, voilà. Et donc ils seront en concert. Allez les voir, c'est toujours assez sympa, mais je crois que le concert est complet, il me semble que c'est déjà sold out. Nous allons poursuivre avec des nouveautés Eye on Fire, qui eux aussi seront en concert, parce qu'il y a pas mal de groupes en concert en fait ce mois-ci et puis les mois qui viennent. C'est tiré de leur nouvel album. Je te laisse en parler de Eye on Fire, mon cher Tom. Je te laisse les croquer. Sorti chez OneSPV, l'album Electric Messiah avec le titre Spawn from the Earth, 9 titres sur cette galette, comme on pourrait dire. C'est un trio de heavy metal formé en 1998. Ils viennent d'Oakland, aux États-Unis. Ils seront en concert à la Machine du Moulin Rouge avec Enslaved. Ouais, moi je parle français. Là, ils vont pas comprendre. Ouais, mais les groupes, ils vont pas comprendre. Enslaved. Le 16 octobre prochain. C'est la semaine prochaine. Enfin, dans une dizaine de jours. Ouais, une dizaine de jours. Hein. 06 81 01 28 34. Si vous voulez rafler votre place, vous envoyez un SMS. Nous enchaînerons ensuite avec un groupe français qui s'appelle Black Bart, qui nous vient de Lille, je crois. Oui, oui, c'est ça, ils nous viennent de Lille. Et ils sont formés en 2008, c'est un quartet de heavy metal, ils ont 12 titres sur la galette qu'ils nous proposent. Ouais, c'est un digipack en plus, sympa. C'est de l'autoprod, sorti le 24 juillet dernier. Le morceau s'appelle Introspection, c'est chanté en français. Et l'album ? Alors là, ça s'appelle Cast New is Back. Bon courage, bon appétit, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Non, mais ça, il doit y avoir un jeu de mots, quelque chose, je sais pas. Ou c'est du Lillois. Non, ça doit être du Lillois, c'est ça. Et nous finirons dans la joie, la bonne humeur. Ah, tu vas voir, moi j'ai adoré ce groupe, ça s'appelle Fastened Furious. Je crois que ça doit être leur deuxième ou troisième album. C'est vraiment bien. Ça s'appelle 10 ans plus tard, donc ça devait être 10 ans plus tard de. Ouais, leur album était peut-être sorti il y a 10 ans, ça m'étonne quand même. Le morceau s'appelle La Lueur. Nanana, nanana. Na na na. Ça c'est entre parenthèses. Voilà, c'est un peu ça. Mais vous allez pouvoir chanter en chœur. Ça sort en octobre. C'est une autoproduction. L'album fait 13 titres. Ils nous viennent de Lyon. Et c'est du pop rock, punk rock un petit peu. C'est entre Elmer Footbeat, Opium du Peuple, Ultra Vomit et Zephyr 21. Je ça vous dit quelque collectionne chose des canards vivants. Il y a ça, il y a un peu. Enfin, vous allez voir, hein, il y a un peu de Daniela. D'ailleurs, ils font une reprise de Daniela sur cet album. Quand j'étais et ils font petit, une reprise. J'étais un Jedi. Et ils font également une reprise des Petits Trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Tiens, ça nous fait penser que on salue Charles qui est dans le trou, lui aussi. Hein, voilà. Allez, on vous laisse en musique. Respect à Charles. Ouais, respect, Aznavourzian. On y va en musique et on se retrouve tout de suite après. 06 80 01 28 34. Lost and known and Michel Crooner. Oh ta gueule, Choule. De retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rockford Show. Vous venez d'écouter High on Fire, suivi de Black Bart. Et nous venons de terminer avec les drôlissimes Fastnet Furious. Ça, c'est un petit clin d'œil à mon ami Stéphane, à notre ami Stéphane d'Ultra Rock. Désolé pour vos oreilles. Ouais, mais bon, je vous dis sincèrement, cet album de Fastnet Furious, vous l'écoutez une fois, bah vous avez envie de vous le remettre à la fin. Bon, c'est pas métal, mais il y a beaucoup de références au métal à l'intérieur de cet album. Donc voilà, je voulais vous en faire découvrir un extrait. Ça s'appelle 10 ans plus tard. Ce que vous entendez en fond sonore, c'est tout de suite maintenant son... Plus tardé, ça s'appelle Existence dans le Rock for Show sur Radio Biz. Existence tirée de l'album Breaking the Rock, 13 titres sortis chez Spiritual Beast Black Viper Record, sorti en 2016, c'est le troisième album du groupe. Ils font du heavy metal, bien entendu, c'est en français, formé en 2008, et ils nous viennent de Clermont de l'Oise. Ils seront au Rising Fest numéro 7, qui se déroulera à Longwick, dans les Côtes d'Or, hein, c'est ça, 21, c'est Côtes d'Or, c'est oui. Ça, je me trompe pas. Dijon, à côté de Dijon. La moutarde. Et le concert aura lieu le 10-10, donc le 10 octobre. Attendez, je raconte des bêtises. C'est le 5 et 6 octobre, c'est donc le Riding Fest, c'est 7 ce week-end là, qui arrive. Par contre, Existence sera également en concert à Paris le 10 octobre prochain au Petit Bain avec Primal Fear et Riot 5. Outre... bien sûr, Existence. Qui pouvons-nous retrouver au Rising Fest? Nous pouvons retrouver Angelus Apatrida, Wizard, deux groupes que nous allons vous diffuser ce soir. Hitten, Furiens, c'est ça? C'est Furiens? C'est pas Furies? Tiens, c'est marrant. Furiens. Seven Sisters et qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, mon cher Tom? Silverwind, ouais, exact. Et puis d'autres groupes que vous pouvez retrouver sur le site du Rising Fest. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ça se passe à l'espace Jean Boutet. 37 rue de Dijon. Route voilà. De Dijon. Le prix commence à 16h, c'est 30€ pour la journée et 55€ les deux jours. Les deux jours, merci mon cher Tom de m'avoir supplé et aidé. Nous allons donc vous passer, comme nous vous le disions... pas plus tard que tout à l'heure, Angelus Apatrida, tiré de leur album Cabaret de la Guillotine. C'est marrant, un titre en français pour un groupe qui ne l'est pas. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle One of Us, sorti chez Century Media le 4 mai dernier. C'est du thrash metal formé en 2000. Ils nous viennent d'Espagne, d'Albacete. Donc ils seront au Rising Fest numéro 7, ils joueront le 5 octobre. Nous enchaînerons ensuite avec Freedom Call, les Allemands de Freedom Call, qui nous ont sorti un Master of Light en 2016, et ils nous ont rien sorti depuis, mais peut-être un best-of ou un live, je sais plus. Et le titre que je vous propose de découvrir s'appelle Rock the Nation. Vous allez voir, c'est très chantant, très dansant, comme tout ce que fait les power mélodieux de Freedom Call. Le groupe s'est formé en 1998 à Nuremberg, en Allemagne. Et ils seront donc à l'affiche du Rising Fest numéro 7. Nous terminerons cette plage musicale sur Rising Fest numéro 7 avec le groupe Wizard, mon cher Tom. Wizard. L'album s'appelle Fallen Kings. Et sont sortis chez Massacre Records le 16 juillet dernier, enfin de l'année dernière même. 2017. Et l'album, enfin le titre qu'on va vous faire découvrir ou redécouvrir ou apprécier, enfin et dans tous les cas apprécier, Liar and Betrayer. Liar, c'est-à-dire le menteur ou le mensonge, le menteur. Ouais, et un Betrayer. Betrayer, je sais plus. Mais bon, les monsters et les... je sais pas, Betrayer, je sais pas. Ce sont des Allemands, ils sont formés en 1989, c'est du heavy metal. Et comme l'a dit Phil, ils seront au Wazin Fest 7. Le 5 octobre. Donc c'est samedi, c'est ça, c'est samedi. Vendredi et samedi. C'est samedi. C'est vendredi et samedi, je crois. Ouais, ça doit être ça. Ça, vendredi, samedi. Allez, on en reparle tout à l'heure. Pour l'instant, on vous les laisse en musique. 06 81 01 28 34, 34 si vous voulez rafler une place pour aller voir justement le Rising Fest. Mais alors, ce sera votre dernière chance parce que c'est très très très très bientôt. Et sinon, il y a autre chose à gagner ou pas? Non, c'est ça. Juste ça. Allez, Angelis Zapatrida. Let the good times rock the nation. Let the good times rock the nation. brothers fighting for steel. Blood turns to black, this betrayal is real. But no one will stop us fighting for the whole. We raise our weapons, celebrating your fall. Surrounded by demons, I'm standing tall. And no one will stop us defending our soul. Dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rockfort Show. Mon cher Tom, nous venons d'écouter donc Angelus, Apadrilla, Freedom Call, et nous venons de finir avec Wizard. Ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle Seven Sisters. Ils seront eux aussi également à l'affiche du Rising Fest numéro 7. L'album fait 9 titres. Le morceau s'appelle je ne sais plus comment il s'appelle le morceau. Bon, on l'a pas le morceau. Par contre, l'album s'appelle The Cauldron and the Cross. C'est sorti le 13 avril dernier. C'est un quintet de heavy metal avec une chanteuse. C'est formé en 2013. Voilà, ils nous viennent du Royaume-Uni, de Londres. On rappelle quelques petits trucs sur le Rising Fest, notamment les prix, l'adresse. Oui, mon cher Phil, l'adresse c'est à Dijon, hein, pour ceux qui à côté de Dijon. Oui, à côté de Dijon, c'est rue Longvic. Ouais. Donc on disait, oui, l'espace Jean Bouet au 37 route de Dijon, et l'heure c'est 16 euros, c'est à 16h, 30 euros la journée, 55 euros les deux jours. Voilà, et donc c'est le 5 et le 6 octobre prochain, c'est le week-end prochain. Nous allons terminer cette émission avec un groupe qui s'appelle, plusieurs groupes, hein, on a trois groupes à vous proposer, One Tail, One Head, tiré de leur album qui se nomme Worlds Open, Worlds Collide, c'est ça. J'avais pas tout lu, les yeux en face des trous. Le morceau c'est Passage, et non pas Passage, hein. C'est Passage. Passage d'homme. Voilà. Ça sort chez Terratour Possession. Ça sortira donc vendredi soir, le 5 octobre. L'album fait 10 titres. Ils nous viennent d'où ce, c'est un quartet de black metal. Norvège. En 2006. Et ils nous viennent de Norvège. Oui, oui, tout à fait. Et ils seront en concert à Paris, oui, mon cher Tom. Au Petit Bain avec Teik, Bolzer et Orkan. Et ce sera le 11 octobre prochain. 06 81 01 28 34. Envoyez un petit SMS si vous voulez rafler une place. Nous continuerons avec Nofgaard, excellent groupe. Hein. L'album s'appelle s'appelle mon cher Tom. Maladie X. Ouais, Maladie X. Avec le titre Guardians of Sanity. Sorti chez Metal Blade le 26 octobre prochain. L'album fait 11 titres plus de bonus. Ouais, ça fait 13 titres en fait. Voilà, c'est ça. Oui, mais dans la version bonus, parce que si t'achètes la version normale, c'est 11 titres seulement. D'accord. C'est un quintet de Black Viking Metal. Ils se sont formés en 2008. Ils nous viennent d'Allemagne, Degendorf. Voilà. Et ils seront en concert à Paris le 19 novembre prochain au Petit Bain avec Omnium Gatherung et Wolf Earth. 06 81 01 28 34 si vous voulez rafler une place. Et enfin, nous terminerons avec Imperial Crowns qui nous sort un 25 titres live. 25 live, 25 years, 25 songs, 25 hein, bien sûr, 25 songs, c'est un double CD. Il sortira le 19 octobre prochain. Le morceau que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle « I Got A Right ». Et ils seront en concert. Alors, il y a plusieurs concerts. Notamment, il y en aura un vendredi, toujours, au Billy Bob's. Attends, c'est quoi ? C'est le Billy Bob's de Disney Village. Donc ça, ce sera vendredi soir. Le samedi, ils seront à Beaumont, au Bar Blues Festival. Et le 7, ils seront également encore à Beaumont au Bar Blues Festival. Eh bien, on vous laisse et on vous dit à très bientôt. Hein, c'était Rock. C'était fort. C'était chaud. C'était le Rock for Show. Bye bye bye. Salut. Take my right away.